dis, celle-là qui m'a battu, ma belle, c'est facile. Détail, pour lire, m'prêt pour me dire, battre mes textes, c'est plus appel. Parole pour m'ba pas la velle. Là, mon beau, t'es mis à la veine. Dernier samedi, t'as tout pour qu'elle ne pas le faire. Moi, je vais me pomper sur le précipitat. Pour me rendre le pied, dormir un soir. Qu'est-ce qu'il appelle, moi, qui aime tout souffrir. N'est-ce qu'il y a tellement zédoué là. À la pété, c'est difficile ça. M'da mon ba foutre pour qui ça. Bon, m'ba fait des chinois. Non, m'te mettre les mille fois. Réponds-lui, alors. Invite un devoir, malo. Pour me conduire, pour me mettre solo. Pour me changer pseudo. Au début, me baisse en dispo. Alors, avant, confiance en bannière. Baby, tu me battes, non. D'amour, n'y pas t'en prier. Laisse-moi aimer, mais qu'on y a pas de somebody, yeah. Baby, tu me bats, non. T'as mon impact en plein.